29 janvier dernier, une équipe française publiait dans la revue Nature les résultats de leur expérience, une première mondiale, la production d'une forme métallique de l'hydrogène grâce à un dispositif mêlant une presse à diamants et un accélérateur de particules qui leur ont permis d'augmenter la pression jusqu'à près de 4,3 millions d'atmosphères. La production d'hydrogène métallique, c'est une sorte de course de fond entre laboratoires depuis de nombreuses années pour observer cet état singulier de l'hydrogène qui pourrait à terme, une fois atteint l'état métastable, ouvrir les portes du monde des supraconducteurs à température ambiante. Hydrogène métallique, le heavy metal français, c'est le programme sous pression qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, on tente parfois des titres comme ça un peu hasardeux, mais je trouvais que celui-là était assez amusant. Voilà, pour évoquer en tout cas ces recherches de pointe, nous avons la chance d'accueillir deux des trois signataires de cette étude. Paul Dumas, bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes chercheur émérite au synchrotron Soleil. Paul Loubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à la direction des applications militaires du CEA. Il faut évidemment mentionner votre co-signataire, Florent Occelli, qu'on entendra d'ailleurs tout à l'heure dans le reportage et qui nous a ouvert les portes justement de votre laboratoire. Mais avant cela, c'est avec elle que l'on a pour la première fois d'ailleurs parlé à ce micro de vos travaux, puisque c'est elle qui suit chaque jour l'actualité des publications et des découvertes scientifiques. C'est Natacha Trioux pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec la découverte d'un des antibiotiques les plus puissants jamais découverts et qui a été fabriqué à l'aide d'une intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle peut être une arme redoutable contre l'antibiorésistance. Cette étude vient de paraître dans la revue Cell et c'est l'aboutissement d'une quinzaine d'années de recherche dans ce domaine. Les chercheurs du MIT ont utilisé un algorithme de deep learning pour passer en revue des centaines de millions de molécules afin de découvrir un composé chimique unique. Ils ont baptisé leur antibiotique l'allicine. C'est un clin d'œil à HAL 9000, l'intelligence artificielle dont 2001 l'Odyssée de l'espace. L'allicine a ensuite été testée in vitro sur des cellules de souris et il se montre très efficace contre de nombreuses infections bactériennes. Il a par exemple mis 24 heures pour supprimer l'acinetobacter baumannii, une bactérie indestructible jusqu'à présent. Chloé Agatha Zenkot est maîtresse de conférence au centre bioinformatique de Mines ParisTech en collaboration avec l'Institut Curie. L'idée de ce genre d'approche, c'est de se dire qu'on va utiliser un algorithme d'apprentissage, même genre d'algorithme capable de dire si une photo est une photo d'un petit chat ou pas. On utilise le même genre d'algorithme pour dire si une molécule est susceptible d'être un antibiotique ou pas. Et donc là, il s'agissait de construire un jeu de données avec un certain nombre de molécules, dont certaines allaient inhiber l'activité d'Escherichia coli, les autres non. Donc ça, c'est la première étape. Et donc ensuite, c'est d'utiliser ce jeu de données qui est de taille assez faible pour construire un modèle d'apprentissage en utilisant un réseau de neurones qui prend en compte la structure moléculaire donc de ces molécules, peut prédire pour n'importe quelle nouvelle structure moléculaire si oui ou non elle est susceptible d'avoir une action antibiotique. La troisième étape, c'est d'utiliser cette intelligence artificielle sur une nouvelle base de données, cette fois très large, pour prédire quelles sont les molécules les plus susceptibles d'inhiber Escherichia coli, et de prendre dans ce cas la molécule qui ressortait comme étant la plus pertinente. Ils ont ensuite appliqué leur algorithme à une base de données qui contient 107 millions de molécules. C'est une base de données qui contient à peu près toutes les molécules connues. Ils en ont identifié 8 qui ont l'air tout à fait prometteuses et qui sont d'autant plus prometteuses qu'elles ont une structure assez distincte de celle des antibiotiques qu'on connaît. Enfin, ce qui indique que on n'est pas en train de répéter les familles d'antibiotiques qu'on connaît déjà. On va vers des nouvelles familles d'antibiotiques capables de guérir des cas où on a une résistance aux antibiotiques actuels. Voilà, vous pouvez retrouver cette étude publiée dans Cell ainsi que d'autres liens de vulgarisation sur notre fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. Selon une prépublication du site Archive, le trou noir supermassif de notre galaxie a peut-être créé des molécules organiques. Et s'il est aujourd'hui assez calme, il se peut qu'il ait été particulièrement actif et vorace il y a des millions d'années. Selon les chercheurs de l'université de Pékin en Chine, Sagittarius A étoile devait être 100 millions de fois plus lumineux. Il aurait avalé d'immenses quantités de matière et dégagé de grandes quantités de rayons X. Si ce type de rayonnement peuvent être nocifs pour les planètes trop proches du trou noir, ces rayons X auraient aussi pu encourager la formation de molécules organiques cruciales pour l'apparition de la vie, l'eau et le méthanol. Lorsque des photons de haute énergie frappent les molécules, cela peut déclencher une cascade de réactions chimiques et produire des molécules de plus en plus denses. Sagittarius A étoile a donc peut-être joué un rôle clé pour l'apparition de la vie dans notre galaxie. Une étude parue cette fois dans la revue PNAS décrit la découverte d'un animal qui n'a pas besoin d'oxygène pour survivre. Et jusqu'à présent, on pensait que toutes les plantes et tous les animaux utilisaient de l'oxygène pour produire de l'ATP, de l'adénosine triphosphate, qui sert à emmagasiner et à transporter de l'énergie. Cette production d'ATP se produit au sein des mitochondries. Or, ce n'est pas le cas de cette minuscule méduse, Eneguia salminicola, un parasite qui infecte les saumons. Après avoir séquencé son génome, une équipe internationale a découvert que cette espèce ne possède pas d'ADN mitochondrial. Elle obtiendrait de l'énergie directement de son hôte, n'ayant plus besoin de cette capacité à respirer de l'oxygène. Elle aurait donc perdu cette capacité inutile au cours de son évolution. Et enfin, selon une étude parue dans The Journal of Affective Disorders, Edgar Allan Poe ne se serait pas suicidé. Oui, il y a des intelligences artificielles qui trouvent des médicaments et d'autres qui recherchent des pulsions suicidaires. Le poète est décédé dans d'étranges circonstances le 7 octobre 1849, peu de temps après le décès de sa femme. Baudelaire avait alors parlé d'un suicide préparé depuis longtemps. Poe se serait noyé dans l'alcool avant d'y succomber. Deux psychologues anglais et américains ont prolongé l'enquête. Plus de 300 lettres, poèmes et nouvelles ont été soumis à un algorithme d'analyse linguistique. Une IA capable d'identifier les marqueurs d'une grave dépression avec la récurrence d'émotions négatives, par exemple. Selon leurs résultats, l'écrivain était peut-être sur le point de tomber en dépression, mais on ne trouve dans ses textes aucun signe avant-coureur d'un suicide. Edgar Allan Poe n'était donc pas suicidaire, mais sa mort reste toujours un mystère. Pour qui a lu Poe, il était quand même pas très très en forme, vraisemblablement, malgré tout. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. L'hydrogène métallique fait partie des Graals de la physique. Cela fait longtemps que son existence a été théorisée, dès 1935 par Wigner et Huntington, qui estiment que l'on pourrait faire passer l'hydrogène de son état gazeux à un état solide, puis métallique, en augmentant drastiquement la pression. À l'époque, il est question de 250 000 atmosphères, soit, je le précise, 250 000 fois la pression que nous subissons ici à la surface de la Terre. Et puis tout au long du XXe siècle, les connaissances vont s'affiner en même temps que la course à la quête de cet hydrogène métallique va s'intensifier entre les laboratoires. Et puis, eh bien, l'observation de l'espace en général et de notre système solaire en particulier va renforcer la certitude que l'hydrogène métallique est non seulement c'est possible, mais qu'il y en a juste à côté de nous. Écoutez cet extrait des grandes avenues de la science moderne. Nous sommes en décembre 1975 sur France Culture. La forme de l'hydrogène métallique n'est probablement pas rare, disons, dans le système solaire. Car il semble bien, il y a une bonne raison de penser, que la planète Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, et qui représente par conséquent une partie importante au point de vue poids total des planètes qui tournent autour du Soleil, que la plus grande partie de Jupiter soit effectivement de l'hydrogène à l'état métallique. On pense que peut-être 70% du rayon de cette planète serait compris à l'intérieur de la partie centrale métallique. Une autre planète en comporte probablement, c'est Saturne. On a des raisons de penser que dans Saturne, les pressions sont beaucoup moins élevées, bien sûr, que dans Jupiter, mais qu'elles atteignent tout de même un niveau de l'ordre de 5 millions d'atmosphères, et qu'à cette pression-là, il y a des chances que l'hydrogène soit déjà à l'état métallique. Ceci dit, les théoriciens, ce sont les théoriciens qui ont prévu l'existence de l'hydrogène métallique, et ils ont fait un certain nombre de calculs de façon à tâcher de déterminer, théoriquement, quelle serait la pression nécessaire ou la température à laquelle ce serait le plus favorable, et aussi quelle serait la densité du corps ainsi obtenu. Rappelons que l'hydrogène est encore à l'état normal gazeux très très léger, et même à l'état liquide il est encore très peu dense, et il faudrait probablement, par compression, augmenter cette densité de l'ordre d'un facteur 10 pour en obtenir l'état métallique. Voilà, nous sommes donc en 1975. Peut-être une réaction l'un et l'autre à cette archive que vous venez d'entendre, Paul Loubert. En fait, dans les intérieurs planétaires, on en parlera tout à l'heure, l'hydrogène métallique est un métal à haute température. C'est un fluide métallique. Et donc, c'est intéressant de comprendre ses propriétés. Mais il y a un passage continu entre l'hydrogène qui est dissocié faire un plasma comme dans ITER, et puis avec la densité qui devient de plus en qui va vers cet inconducteur de plus en plus bas en température. Et donc comment cette jonction se fait avec la pression à basse température, c'est tout l'enjeu effectivement pour les planètes. Et puis dans la phase solide, c'est un autre problème puisque c'est un solide avec des propriétés d'un métal qui a des propriétés tout à fait inédites qui sont pas dans ce fluide dans les intérieurs planétaires. Mais c'est un sujet très intéressant et on en connaît beaucoup plus maintenant avec les missions spatiales comme Juno qui ont permis de comprendre vraiment ce qui se passe dans ces planètes. Et c'est une autre histoire. Quels sont les allers-retours qui ont été faits justement bien dans la deuxième partie du XXe siècle entre bien la conception théorique de cet hydrogène métallique et ce qu'a apporté la cosmologie, Paul Loubert? Toute la théorie a été vraiment basée au départ sur des calculs qui ne sont faits que s'affiner. Il n'y avait pas de prédiction très précise, en tout cas, du mode avec lequel la transition se ferait et à quelles conditions on pourra passer à cet état d'hydrogène métallique. Alors après, je pense que le point important, c'était d'arriver à un moment donné à avoir une validation, un jalon expérimental qui permettait à toutes les approches théoriques. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup avec des approximations et quelque part aussi les approximations divergées parce que on pouvait vraiment estimer des températures ou des pressions de métallisation qui étaient un peu assez variées. Et ce jalon expérimental qui a été obtenu va vraiment pouvoir permettre maintenant d'aller calibrer plus ou moins et de valider certaines approches qui vont permettre d'avancer. On a besoin de la théorie, on a besoin d'une collaboration étroite entre théoriciens et expérimentateurs, parce que c'est ce qui fera avancer la connaissance et ce qui fera avancer les perspectives et les prévisions des étapes suivantes. Paul Loubert. En fait, il y a cette recherche de l'hydrogène métallique et de la forme conducteur est recherchée par deux approches. Une approche haute pression, statique, pour avoir ce métal. Et comme je vous l'ai dit, une approche aussi pour les interplanétaires, mais aussi fondamentale, puisque quand on monte en pression, même dans une phase dense, l'effet de conductivité d'hydrogène est dû plus par la densité que par la température. D'accord. Et donc, il y a eu la course depuis les années 70 avec deux approches. Une approche qui était de faire des compressions dynamiques de l'hydrogène. Qui est la vôtre ? Nous, on fait une approche statique. Dynamique, excusez-moi. Et une approche statique. Autant pour moi. Et dans les années, les calculs se sont affinés dans les années 60, à la fin des années 60-70. Et l'hydrogène était prévu métallique autour de 1 million, 2 millions d'atmosphères en statique, ce qui était un peu au-delà des possibilités, mais c'était dans les possibilités de très grosses presses, et puis était aussi vu autour de ces pressions-là, en phase dans la compression dynamique, parce qu'on pensait que la température allait aussi favoriser un peu ça. Mmh. Et donc il y a eu, dans les années 70, des grosses expériences qui ont été mises en place, une au Japon, avec des très grosses presses et des annonces de propriétés conducteurs de l'hydrogène comprimé. On faisait de l'hydrogène cryo et dans de très grosses presses qui étaient construites, on comprimait l'hydrogène. À très très basse température. Et en essayant de mesurer une conductivité. Il y a une annonce de Kawai dans les années 75. La même chose a été faite en Russie où ils ont construit une presse qui était énorme, plusieurs tonnes, pour faire ça. Pareil, annonce d'une conductivité, d'une conduction d'hydrogène métallique. Et puis en parallèle, il y avait une approche qui a été faite par une compression isentropique avec des explosifs de l'hydrogène, où on venait comprimer. Le problème, c'est quand on vient comprimer l'hydrogène de manière dynamique, on chauffe. Qu'on a besoin de températures qui sont extrêmement basses. Donc pour le comprimer, il faut aller tout doucement, comme dans une pompe à vélo. Vous voyez, vous comprimez le gaz. Si vous allez tout doucement, ça va pas trop chauffer. Si vous allez très très vite, ça va chauffer. En fait, et donc il fallait rester très très bas en température. mesure. Et donc, cette compression où on a mis des explosifs pour venir comprimer cet hydrogène avec des mesures de conductivité, on fait une mesure de conductivité de l'hydrogène et la pression estimée par des calculs, là, était autour de 2 millions d'atmosphères. Mais à chaque fois, c'était une seule mesure. Et on, il y a plusieurs mesures, mais on ne peut pas garantir que... est-ce que l'hydrogène, dans quel état il était ? Est-ce qu'il n'y avait pas un problème expérimental ? Et donc, ces annonces-là sont restées sans suite. On rappelle que vous avez atteint une pression de 4,27 millions d'atmosphères et que le fait d'avoir réussi à joindre à votre presse un accélérateur de particules, le synchrotron Soleil, a permis justement une mesure absolument ferme et définitive, parce qu'il y avait une publication en 2017 dont on avait parlé ici, mais qui a été un peu remise en question. Paul Dumas, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'annonce qui avait été faite de la mise en évidence hydrogène métallique... C'est Harvard, hein, d'une équipe d'Harvard qui avait publié dans Science. C'était Riviera et Diaz qui avaient publié. Nous avons été parmi les premiers, je pense, avec Paul, à émettre un doute sur la validité du résultat. Tout simplement parce que la pression qui était annoncée par rapport aux mesures que nous connaissions et qui étaient validées par d'autres équipes ne correspondent pas du tout aux valeurs. On a des références, on a des jalons qui sont la fréquence qu'on voit sur le vibrant, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. C'est la vibration de l'hydrogène, elle a une fréquence de vibration qui dépend de la pression, donc toutes ces valeurs là ne correspondaient pas à ce qui était mis en évidence. Et puis il y avait une réflectivité de la lumière. La mise en évidence était faite uniquement par une réflectivité, par un éclat métallique qui n'était pas évidemment une preuve absolue et contestable de la valeur, d'autant plus que en-delà de cet aspect-là, il y avait en plus des conditions de préparation qui mettaient un peu un doute sur la validité de cette réflectivité. Donc, ce qu'on a choisi avec Paul Loubert et Florent, c'est de travailler avec une sonde indirecte. On a utilisé le rayonnement électromagnétique. Mmh. Et en particulier dans l'infrarouge, voilà. Et c'est ce dont on va reparler justement de cette expérience, de ce dispositif que vous avez mis en œuvre. Mais avant cela, on va faire un petit rafraîchissement de connaissances et rappeler pourquoi est-ce qu'il est si important et pourquoi il y a cette course à l'hydrogène métallique et comment cet hydrogène que l'on connaît en gaz peut avoir une forme métallique. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. À 16h20 sur France Culture, nous parlons donc de l'hydrogène métallique qui a été produit pour la première fois en laboratoire par les équipes de Paul Dumas et de Paul Loubert qui sont ici avec moi en studio. Alors peut-être vraiment repartir depuis le début, Paul Dumas, l'hydrogène c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne connaît qu'à l'état de gaz en fait ? C'est une vaste question, mais qui appelle... C'est une vaste question, effectivement. Je crois que Paul et moi, on pourrait répondre à ça, mais on le connaît au début de l'univers. Une des premiers atomes qui s'est formé était l'hydrogène atomique. Et effectivement, par le temps, par l'évolution, l'hydrogène moléculaire, il y a seulement, que je crois, que 2% d'hydrogène moléculaire dans l'atmosphère. Rappelez-nous la différence entre l'hydrogène atomique et moléculaire. L'hydrogène atomique est un élément seul qui est composé d'un proton, d'un électron. C'est vraiment un gaz très simple. Et puis, il peut s'apparier, s'associer. Deux atomes d'hydrogène se mettent ensemble, faire une liaison chimique via les deux électrons périphériques, et on fait une liaison chimique. Et on fait donc, on a deux boules avec un ressort au milieu, en gros. C'est un peu ça. Voilà. Donc, on le connaît comme ça. On le connaît. Il n'existe pas en grande abondance sur Terre. Il est plutôt lié. C'est un élément essentiel de notre vie. Il est lié à l'eau. On le connaît plutôt comme ça. Il est lié dans tous les organismes biologiques. L'hydrogène était vraiment crucial. Donc, effectivement, l'hydrogène, on entend parler. On en a beaucoup entendu parler. En tant que gaz, en tant que potentiel énergétique également. On parle aujourd'hui des voitures, à hydrogène. Les piles à hydrogène. Les piles à hydrogène, ça revient, etc. Donc, il y a toute une dynamique et un intérêt au niveau de l'hydrogène. Et puis, l'hydrogène solide, la pression a joué un rôle. La pression a joué un rôle, effectivement, dans le changement de l'état. Donc, cet hydrogène gazeux est devenu un hydrogène condensé, un solide. Et donc là, toutes les théories au début du XXe siècle sur la mécanique quantique, hein, qui tournait autour de l'atome d'hydrogène, qui a été un grand développement de la mécanique quantique. Ils ont été largement élaborés, largement discutés, a permis tous les développements des mécaniques et des théories d'aujourd'hui. Et puis il y a eu justement Wagner et Dilthey, vous avez cité, qui ont à un moment donné, en 1935, vraiment poussé un peu le raisonnement du début de la mécanique quantique pour arriver à cet surprenant résultat. Il peut être condensé, certes, il peut devenir solide, mais il peut devenir métallique. Mmh. Et ça, ça a été vraiment le début là. La grande aventure, je dirais, la grande intérêt. Et alors, il faut expliquer un peu ça aux auditeurs, parce que effectivement, on se souvient tous de nos rudiments de chimie. On passe de l'état gazeux à l'état liquide à l'état solide quand on réduit la température et qu'on augmente la pression. Jusque-là, pas de problème. Mais pourquoi est-ce que il est intéressant et pourquoi est-ce que ça ouvre des perspectives de recherche de se dire que l'hydrogène, quand il est extrêmement condensé, ne se contente pas de passer à l'état solide, mais à l'état métallique, Paul Loubert? Alors en fait, l'intérêt est double. C'est un intérêt parce dans les années 30, l'atome d'hydrogène, comme l'a dit Paul Dumas, c'était l'atome le plus simple. On avait découvert les raies de Balmer qui ont fait la physique atomique. On commence à appliquer la mécanique quantique pour comprendre le système, les molécules. Et puis après, le système d'après, on a découvert, il y avait Fermi qui avait ce gaz d'électrons, et donc on avait un système où on avait proton, gaz d'électrons, et on se demandait, ils pouvaient calculer quelles étaient les propriétés les plus simples de ce solide fait de protons et d'électrons, très simple. Et donc, mais le problème, c'est que l'hydrogène forme très facilement des molécules. L'hydrogène, ça peut être considéré comme un alcalin, c'est comme le lithium. On se demande pourquoi, si on met du lithium, c'est un métal, on a un seul électron. Les alcalins, c'est la première colonne du tableau périodique des éléments. Voilà. Si ce n'est que l'hydrogène, il forme très facilement des molécules. Donc, la question qui se posait, c'est qu'on comprenait pourquoi les molécules se formaient. Quand on était à basse température, il y avait toute cette course au début du XXe siècle sur la liquéfaction de l'hydrogène, la fin du XXe siècle, la solidification de l'hydrogène. On savait que c'était un système, un solide moléculaire. La question qui s'est posée, c'est est-ce que ce système allait devenir à un moment donné un métal alcalin comme le lithium? Et donc, ils ont fait ce calcul, près de 10 ans, ben voilà, l'énergie à une pression sera telle que ça sera un solide fait de protons et d'électrons, un métal. Alors, il faut bien comprendre en mécanique quantique, c'est pourquoi ces molécules, quand on va les comprimer, pourquoi ces molécules vont se casser, en fait. Parce que en mécanique quantique, il y a un principe, c'est le principe d'incertitude, qui fait que quand on veut confiner une particule, son énergie, une particule, c'est pas un point, c'est un nuage, en fait. Et quand on veut le confiner, cette particule augmente son énergie cinétique. Et donc, quand on confine une molécule d'hydrogène, et bien à un moment donné, les électrons sont tellement confinés que leur énergie cinétique augmente tellement que les électrons vont partir. Et donc, il y avait forcément une pression à laquelle ce système moléculaire allait devenir un métal de protons et d'électrons. Et ce qu'ils ont fait, c'était un calcul. Ils ont appliqué la description du gaz d'électrons qui venait d'être mise en place par la mécanique quantique. Ils l'ont appliqué pour calculer l'énergie de ce solide solide métallique comparé au solide moléculaire, et ils ont trouvé une pression de 250 000 fois la pression atmosphérique, qui à l'époque paraissait bien au-delà de ce qu'on pouvait faire. Et donc, c'est devenu dans les années 50-60 un enjeu pour la physique des hautes pressions qui commençait à faire de gros progrès. La haute pression, c'est un domaine qui est vaste et qui cherche à comprendre l'intérieur de la Terre. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre l'intérieur de la Terre, les constituants de la Terre. Et c'est aussi un domaine qui a amené quelques ruptures dans les matériaux, en particulier après-guerre avec la synthèse du diamant, qui était un matériau qui a été synthétisé sous pression, une commande du gouvernement américain à General Electric, pour faire ce matériau qui était un matériau stratégique de coût. Donc c'est sous pression, 100 000 fois la pression atmosphérique, dans des grosses presses. Voilà. Donc la pression, il y a des enjeux de matériaux, des enjeux de comprendre l'intérieur de la Terre, comprendre les planètes. On a vu comprendre Jupiter et les exoplanètes. C'est un enjeu de la haute pression. Il faut toujours pousser les pressions. Et donc pour la haute pression, c'est un peu une démonstration de ce qu'on peut faire sur un système qui est très difficile à comprimer, et aussi des mesures fines qu'on pourra faire. Et donc c'est aussi un peu comme aller au sommet de l'Himalaya, le premier qui va y arriver, il démontre qu'il a une technique pour le faire, et voilà, c'est ça aussi pourquoi pour la haute pression c'est un peu... Paul Dumas, peut-être, puisque Paul Loubert vient de l'expliquer très bien, quand on comprime les atomes d'hydrogène, quand on augmente la pression, on augmente l'énergie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser pour les auditeurs quelles sont les caractéristiques métalliques finalement que va acquérir cet hydrogène à une pression extrêmement forte et à température relativement basse. Alors il y avait une hypothèse qui a été émise et qui n'était pas encore vérifiée, c'est-à-dire que dans le passage entre la phase condensée et la phase métallique, comme le disait Paul, la phase métallique c'est des protons, des électrons, un nuage d'électrons. Il y avait une phase intermédiaire avant que cette étape cruciale, qui était une étape où le métal serait encore moléculaire, c'est-à-dire qu'on aurait encore une phase structurée en d'hydrogène avec des électrons libres au-dessus. Donc c'était prévu théoriquement, et quelque part, l'expérience que nous avons menée à partir de l'apparition du premier signe de la métallicité, la question s'est très très vite posée au sein du groupe, est-ce moléculaire ? Est-ce atomique ? Alors évidemment, la tentation aurait été de continuer et d'aller jusqu'à cette phase atomique. C'est vraiment le but ultime. Et cette phase atomique, toujours si on en croit les théoriciens, elle sera métastable. C'est-à-dire c'est la propriété essentielle, c'est que une fois qu'elle est formée, on va pouvoir la conserver. On va pouvoir revenir à température ambiante et la conserver. Un peu ce qui se passe avec le diamant et le carbone. Exactement. Voilà. Exactement ça. Une fois qu'on a comprimé le carbone très très fort, on obtient un diamant à des niveaux de température et de pression très importants, mais une fois que le diamant est là, il reste un diamant. Exactement. Donc cette phase moléculaire était importante parce qu'il y avait deux aspects. D'abord, c'est une étape, une première marche vers l'atome atomique. Et d'autre part, dans la littérature, vous avez cité tout à l'heure les équipes étrangères qui travaillent sur ce domaine. Il y a toujours un peu une compétition, pas une compétition, mais une validation des travaux. On a besoin, en tant que physicien, d'avoir des résultats convaincants et qui convainquent l'ensemble de la communauté et les spécialistes. Donc, avec Paul, lorsqu'on a atteint cet état, qui était l'état moléculaire, on voulait d'abord la confirmer, et l'on savait que cet état-là était un état réversible, et non pas métastable, comme on a évoqué avant. Donc, pour cela, il fallait redescendre la pression. Il fallait réanimer pour savoir si le chemin réactionnel qui avait été mené entre cette phase pour évolution resuivait le même chemin en sens inverse. C'était une première validation, et la deuxième validation, c'est que dans la technique que nous employons, et on va peut-être en parler tout à l'heure, c'est un tout petit signal, c'était des conditions extrêmes d'observation, comme une fenêtre confirmée, c'est le dernier rayon de lumière qui passait sous le rideau. Il fallait être sûr que si on remontait le rideau, la lumière réapparaissait. C'était la preuve qu'on avait bien, d'une façon avec des propriétés intrinsèques, le signal expérimental que l'on obtenait était vraiment une preuve non ambigu de la formation de la phase moléculaire. Ce qui est intéressant, parce que il faut préciser qu'effectivement, au terme de votre expérience, vous avez abouti donc à cette forme d'hydrogène métallique moléculaire, pas encore atomique. On y reviendra évidemment un peu tout à l'heure pour savoir que justement quand et comment se passera l'étape d'après. Ce qui est important, c'est que la forme atomique est donc métastable. L'autre caractéristique extrêmement importante, et là aussi on en parlera tout à l'heure pour les applications, c'est la supraconductivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Paul Loubert? Comment se fait-il que dans cette forme métallique, d'un seul coup, l'hydrogène devienne un métal superconducteur à température ambiante, ce qui aujourd'hui, quand on sait un peu, je vais peut-être un peu vite, mais allez-y, je vous laisse préciser tout ça. Pour une fois, pour l'instant, on n'a pas démontré qu'il était un supraconducteur. En fait, les calculs sur l'hydrogène sont devenus de plus en plus sophistiqués et ont poussé les développements théoriques. Dans la supraconductivité, il y a plein de supraconducteurs il y a différents types de supraconducteurs. Le gros avantage de l'hydrogène et des systèmes qui sont reliés à l'hydrogène, et Jean-Baptiste Jarreau en parlera tout à l'heure, c'est que c'est une supraconductivité conventionnelle, c'est-à-dire dans la supraconductivité, il y a un appariement des électrons qui fait qu'il y a un comportement collectif des électrons, et cet appariement dans l'hydrogène est fait par les phonons. Et là, il y a une théorie qui s'appelle la théorie BCS qui permet de faire des calculs, surtout dans l'hydrogène, où il y a un couplage qui est très fort, de faire des calculs qui sont assez fiables finalement. Et on en parlera avec les supérieurs tout à l'heure, pourquoi c'est si fiable. Et donc, les calculs ont été faits dans les années 60. À la fin des années 60, il y a un théoricien qui s'appelle Neil Ashcroft qui a dit que l'hydrogène serait un supraconducteur. Pourquoi? Parce qu'il a un phonon très élevé, donc c'est un très léger, donc ses phonons sont très élevés, donc le couplage peut être très efficace. Il y a une interaction, c'est juste proton-électron, l'interaction du couplage entre les protons et les atomes et les électrons sont très forts, donc il y a un couplage très fort, il y a une densité d'électrons forte et un phonon très élevé, une densité de phonon avec des phonons très élevés. Donc tout ça, c'est des ingrédients qui font qu'il y avait une température supra-élevée pour l'hydrogène prévue. Et les calculs actuellement, les plus avancés, donnent des supraconductivités au-dessus de l'ambiante pour la phase atomique. Au-dessus de la température ambiante. Voilà, à très haute pression. Et pour la phase moléculaire, juste en dessous de la température ambiante. Donc la phase moléculaire telle qu'on l'a vue, où les molécules, en fait, le problème, c'est qu'on a une vision trop classique des choses. C'est-à-dire qu'on voit que comme des molécules. En fait, c'est un métal où les électrons sont libres, mais il y a un appariement, il y a une probabilité que les deux protons soient toujours proches de l'eau. C'est un métal apparié, en fait. Je vais juste préciser deux petites choses pour les auditeurs. La supraconductivité, donc, c'est la conduction, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin et qu'on recherche dans plein d'applications. On en parlait il n'y a pas très longtemps dans les centrales nucléaires, enfin, dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'appareils, c'est-à-dire sans déperdition de résistance électrique et d'énergie. L'autre chose que je voulais préciser, et je suis en train de m'égarer, mais ah oui, si, et c'est que cette supraconductivité, en général, elle a besoin de températures extrêmement basses pour pouvoir se maintenir sur les matériaux que l'on connaît aujourd'hui, et donc il y a aussi une sorte de graal de la supraconductivité à température ambiante. Je dis ça, voilà, pour résumer, pour redonner quelques marqueurs. Un mot peut-être, Paul Dumas, pour terminer sur cette question de supraconductivité. Ce qui est intéressant, c'est que l'état de conductivité de l'hydrogène, en fait, passe par différentes phases au fur et à mesure qu'il change d'état et qu'on augmente la pression. Oui, enfin, en gros, la conductivité, elle va passer à zéro. La résistivité, va passer à zéro lorsqu'on va atteindre l'état métallique. Je crois que ça, c'est clair. Je crois que c'était ça votre question. C'est ça. Effectivement, dans le débat qu'il y a pour démontrer la métallicité, c'est la méthode que l'on appellera la plus directe. On met deux électrodes, on regarde s'il y a une résistance, puis tout d'un coup, il n'y a plus de résistance et voilà, on a le Graal. Mais il faut bien concevoir que dans l'atteinte de ces hautes pressions, les conditions dans lesquelles cela est réalisé sont telles que l'échantillon qu'on étudie fait 5 millièmes de millimètre. Donc 5 millièmes de millimètre, c'est extrêmement difficile, voire pratiquement impossible, d'aller mettre 2 ou 4 électrodes à l'intérieur et de pouvoir mesurer cette résistance sans créer peut-être sous la pression elle-même, un changement de phase de l'électrode elle-même qui donnera un signal qui va fausser le résultat. Donc ça, c'est la méthode directe et souvent qu'on nous demande. On dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas une méthode directe? Ce serait la preuve absolue que ce soit métallique. Et je pense qu'elle est beaucoup plus difficile et que je pense que la voie qu'on a utilisée, elle est beaucoup plus solide au point de vue, en tout cas, conviction du résultat. Et on va comprendre dans quelques instants, puisque nous avons eu la chance de pouvoir visiter votre laboratoire, comment vous êtes arrivé à cette prouesse et à dépasser ce seuil des 4 millions d'atmosphères pour aboutir à une forme d'hydrogène métallique. Ce sera dans quelques instants. Go, girl. Big boom, big Under pressure, et quoi d'autre quand on parle de 4,27 millions de pressions atmosphériques pour réaliser l'hydrogène métallique. La délicieuse et incroyable version de David Bowie et Gaylen Dorsey, sa bassiste, pendant le reality tour. Je veux dire que j'y ai testé quelque chose. Bref, revenons à nos moutons. Nous parlons donc d'hydrogène métallique tout au long de cette heure avec Paul Dumas, qui est chercheur émérite au Synchrotron Soleil, et Paul Loubert, qui est chercheur à la direction des applications militaires du CEA, deux des trois signataires, et on va attendre le troisième dans un instant, de l'article publié dans Nature, qui atteste donc de la métallicité de l'hydrogène à très haute pression. Nous allons donc nous intéresser maintenant à la façon dont bien tout cela s'est produit, à l'instrument avec lequel vous avez réalisé cette prouesse technique. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pour observer de l'hydrogène métallique, donc Paul Dumas, Fabrice Ocelli, vous avez rencontré Paul Loubert, ont combiné une presse à diamants à un accélérateur de particules. Le tout se passe au Synchrotron Soleil, à la direction des applications militaires du CEA. Oui, c'est dans ce laboratoire hautement sécurisé qu'on a pu atteindre les conditions expérimentales nécessaires à cette transition métallique de l'hydrogène. Pour arriver à créer de l'hydrogène dans un état métallique, il faut des conditions de pression phénoménales au-delà de 4 millions d'atmosphères. Pour y arriver, tout l'enjeu a résidé dans la conception d'une enclume en diamant pour confiner l'hydrogène gazeux. Alors un diamant, c'est dur et ça casse. Pour atteindre ces niveaux de pression sans qu'il casse, il a fallu jouer sur sa morphologie. Florent Ocelli m'a montré, étape par étape, les contraintes techniques de l'expérience et les premiers résultats. Dans cette pièce-là, c'est là où on prépare les cellules à enclume de diamant. Donc vous voyez, vous avez beaucoup d'optiques, vous avez un microscope ici pour faire l'alignement de détails très fins des cellules enclume de diamant. Ici, des tables où elles sont montées, préparées, préalignées. Chaque poste de travail est équipé pour faire le travail de préparation de base des cellules enclume de diamant. Juste pour rappeler, les cellules enclume de diamant sont déterminantes pour cette expérience parce que c'est elles qui permettent d'obtenir ces contraintes exactement de pression gigantesques. Ouais, exactement. C'est des on essaie de monter jusqu'à 4, 5 millions d'atmosphères. L'hydrogène, on est monté qu'à 4,3. On aurait peut-être pu atteindre 4,5, mais on n'avait plus rien à mesurer dessus. Plus la tête du diamant est petite, plus on va pouvoir monter haut en pression. Vous pourrez aller monter vers, mettons, 65 gigapascal, 650 kilobars. On va utiliser des têtes qui font 300 microns. Et quand on baisse encore cette taille, quand on arrive dans les 200 microns, c'est-à-dire 0,2 mm, l'échantillon n'est plus stable. Et après, l'idée est arrivée de les faire en léger biseau. Et là, on a pu réduire le plat jusqu'à 25 microns. Ici, ça, c'est un banc de découpe avec un laser femtoseconde pour faire le trou. Vous positionnez oui, votre c'est vraiment voilà, c'est là vous avez un laser femtoseconde. Ça, ça a l'avantage de faire des petites découpes qui sont extrêmement propres, extrêmement précises. C'est un système où vous avez un nanojet de plasma qui va venir ablater le métal pour faire le petit trou. Donc faire la découpe de manière ultra précise. C'est ça. C'est ça les enclumes. Là, il y en a 4 sur 5 qui vont servir à la prochaine expérience. Complètement identique à celle qui vient d'être publiée dans 3 semaines. Donc, vous avez un cylindre, un piston. Au lieu d'être enchâssé par un système unique, il est enchâssé par quatre tiges comme ceci. Ça fonctionne comme une presse. Et sinon, quid de l'hydrogène? Ici, en fait, c'est pas tellement de l'hydrogène au niveau métallique, mais de l'hydrogène moléculaire, du dihydrogène. Comment on l'insère à l'intérieur? Alors, on a une machine en bas, c'est-à-dire on plonge la cellule. Donc ça, c'est la cellule complète. Bon, on va regarder plutôt sur celle-là. D'accord. Donc elle est déjà assemblée. Elle est déjà assemblée. Alors l'échantillon, lui, il va être enchâssé dans un joint métallique, comme ceci. Tout est minuscule. Hein. Oui. Ce diamant. En fait, on les encapsule et on place l'échantillon au centre. Voilà. De manière à ce qu'il soit vraiment entre les deux presses. C'est ça. En fait, l'échantillon est injecté dans une machine spéciale qui se trouve en bas, au sous-sol. En gros, vous mettez la cellule à enclume de diamant dans un volume, vous injectez du gaz à 1500 bars. De quelle manière on injecte l'hydrogène? C'est des pompes. Des pompes. Là. Des pompes. Donc vous baissez le piston, vous mettez de l'hydrogène à 200 bars, vous lancez le cycle, le piston va remonter, va comprimer l'hydrogène. D'accord. Et donc vous injectez autant de gaz au début dans ce qu'on appelle la membrane. La membrane, c'est le système pneumatique qui nous sert à appliquer la force. Et au moment où le cycle est terminé, vous allez augmenter la pression côté membrane. Combien de temps, par exemple? Oh, ça prend une quinzaine de minutes. Vous allez augmenter la pression côté membrane, vous allez refermer, piéger l'hydrogène, la petite bulle d'hydrogène, et après vous allez avoir un cycle de descente qui va mettre le côté cellule à zéro et le côté membrane à la pression prédéfinie pour que l'instrument reste fermé. Et à ce moment-là, vous avez piégé de l'hydrogène à environ 1500 bars. Alors, un des enjeux de cette expérience, c'était la métastabilité. Ouais. Là, on arrive à un hydrogène moléculaire de dihydrogène. Est-ce qu'on a pu évaluer cette métastabilité dans le temps? Là, dans ce cas-là, il n'est pas métastable. Justement, c'est un des points clés du papier, c'est qu'on a baissé la pression et on l'a fait retransiter vers la phase isolante, en retrouvant toutes ses propriétés. Et ça nous a permis de prouver en particulier que l'échantillon n'avait pas été pollué pendant le processus. Et ça, c'est une preuve qui montre que l'hydrogène a bien atteint cet état de... Oui. Pas de métal, mais... Oui, c'est-à-dire que on a vraiment mesuré l'effet qu'on décrit. On l'a porté à l'état métallique, donc moléculaire, et on l'a redescendu en mesurant tout ce qui était mesurable dessus, c'est-à-dire la pression et les bandes d'absorption dans l'infrarouge de la phase moléculaire isolante avant l'état métallique. Quels seraient les prochains travaux, les obstacles à surmonter, les contraintes technologiques et scientifiques? Donc ça, il faut savoir qu'il y a deux métaux. Ça, c'est le métal moléculaire qu'on a vu. On sait qu'il n'est pas métastable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller vers le métal atomique, c'est-à-dire il faut monter encore plus haut en pression. En fait, là pour l'instant, les têtes de diamant de l'enclume à géométrie toroïdale mettons 25 microns. Ça, c'est une contrainte, c'est une contrainte max, parce que, c'est-à-dire, il faut choisir cette taille en fonction de la taille de l'échantillon en fin d'expérience. Là, l'échantillon en fin d'expérience, il a fini à environ 5 microns. Et ça devenait assez difficile de focaliser. Donc si on arrive à avoir un système de laser qui fournit beaucoup plus de photons, on pourra arriver à réduire cette taille de tête de diamant et la monter plus haut en pression. Voilà, l'hydrogène métallique comme si vous y étiez, j'ai envie de dire. On a vu, on y était. Merci beaucoup de nous avoir donné accès à cette installation. Alors je vais vous laisser commenter, peut-être rajouter des précisions, parce qu'on n'a évidemment pas pu tout mettre dans le reportage. Peut-être nous dire un mot, Paul Loubert, de la question, parce que on peut dire aujourd'hui qu'en fait il y avait un seuil de 4 millions d'atmosphères qui était jugé indépassable pour des raisons, pour des contraintes physiques en fait. En fait, pour des contraintes de géométrie des enclumes, il y a beaucoup d'équipes dans le monde, la communauté de pression dans le monde, c'est peut-être 4000 chercheurs, les grandes conférences, et oui, c'est... Et donc, aucun groupe dans le monde n'avait réussi à comprimer un matériau de manière fiable avec des mesures devant un synchrotron, par exemple, où on fait des mesures de volume de métaux, où on peut calibrer précisément la pression. Aucun des meilleurs groupes n'a réussi à monter au-dessus de 4000 atmosphères avec des mesures fiables et validées sur d'autres matériaux plus faciles à comprimer que l'hydrogène. C'est pour ça que quand cet article de Harvard est paru avec une pression de 5 millions sur l'hydrogène... En 2017. L'article de Science, au tout début de l'émission. Sans que ce groupe ait fait une mesure avant sur un autre système pour montrer qu'il pouvait aller dans ce domaine-là, tout le monde était très sceptique et très critique. Alors nous, on a eu une marche différente, c'est qu'on a développé de nouvelles formes d'enclumes de diamants On est d'abord allé montrer, on est d'abord allé devant le synchrotron de SRF pour faire des mesures sur des métaux pour montrer qu'on pouvait aller à très haute pression, 6 millions d'atmosphères. On a ensuite comprimé un gaz l'argon, on a montré qu'on pouvait monter à 4,5 millions d'atmosphères. Et fort de ça, on a dit, maintenant, on est crédible pour le faire sur l'hydrogène. Alors, il se trouve qu'on a cherché à le faire sur l'hydrogène et que sur l'hydrogène, comme c'est très compressible, ça a été un peu plus difficile à mettre en œuvre que sur d'autres systèmes-là. Maintenant, on a une forme. Parce que l'hydrogène est très, très compressible. Donc, la déformation du système est extrême, en fait. Et donc, l'énergie résultante est immense. Si on a quelque chose qui se forme très peu, on appuie dessus, il va monter très rapidement en pression. Si vous avez quelque chose de très, très mou, qui se déforme, qui est très compressible, monter à des pressions extrêmes, c'est beaucoup plus dur. Voilà, c'est un peu le problème. Et on a réussi, on a mis au point des formes, les joints, tout pour être dans ce domaine-là. Maintenant, on sait qu'on peut aller dans ce domaine-là sur les échantillons qui sont vraiment de très bonne taille, 5-6 microns. Et en plus, le diamant se déforme magnifiquement bien, puisqu'on a pu retrouver le diamant en décomprimant, où le diamant à pression ambiante n'est même pas cassé. Donc en fait, on a la qualité du diamant, elle n'a pas changé. Ce qui nous fait dire que si jamais on a cet hydrogène métallique atomique, on peut le ramener, on pourra le caractériser dans sa descente. Et c'est ça qui est très encourageant, en fait. Et alors, il faut nous expliquer aussi, et je me retourne vers vous, Paul Dumas, justement, le synchrotron soleil, pourquoi avoir ajouté à ces presses à diamant? D'ailleurs, je dis à nos auditeurs que si vous voulez le visualiser un peu mieux que par l'imagination après le reportage de Céline Lozen, on vient de poster sur le fil Twitter une infographie qui vous montre en fait concrètement comment ça marche pour pouvoir un peu une sorte de schéma explicatif qui vous permette de bien voir comment ces systèmes fonctionnent. Mais alors racontez-nous un peu, Paul Dumas, le synchrotron soleil, pourquoi un accélérateur de particules, pourquoi des rayons dans l'infrarouge? Alors, le synchrotron, c'est vraiment ça a été une grosse avancée scientifique des 15 et 20 dernières années dans le monde. Lorsqu'on accélère des électrons à des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière, pas tout à fait, on n'y arrive pas, mais presque. Donc on augmente l'énergie de ces électrons, on parle de giga-électronvolts. Ces électrons, lorsqu'on les perturbe par un champ magnétique, et en général, on veut qu'ils tournent, on veut les conserver dans un anneau. Donc on a une série d'aimants. Et cette série d'aimants les fait dévier de façon à prendre, ce soit une petite ligne droite, puis une autre ligne droite, des segments en tout cas. À chaque fois, il y a une émission de photons qui est très directionnelle, avec très peu de divergence. C'est vraiment le tuyau d'arrosage dont on ferme vraiment le robinet à la fin et on veut vraiment diriger le jet directionnellement. Donc il a deux propriétés. D'abord, comme il est petit, il a une densité de photons qui est extrêmement grande. La deuxième chose, c'est qu'il contient tout ce qu'on rêve d'avoir, c'est-à-dire des ondes millimétriques jusqu'aux rayons X les plus durs. C'est-à-dire tout le spectre. Tout le spectre, avec des intensités qui sont grandes, pas autant qu'un laser, parce qu'un laser n'est quand même que de la queue des gammes, mais avec des stabilités extrêmement importantes, et on va en revenir parce que c'est extrêmement important cette expérience, avec ne pas continuer à travailler sur 5 millièmes de millimètre, et puis avec cette choix de la gamme qui intéressait l'expérience. Donc, quand on est un faisceau qui est petit, on peut le focaliser. On peut vraiment, en le fermant, le faire passer par un trou de 5 millièmes de millimètre et qu'il soit encore suffisamment intense pour qu'on puisse détecter ce qui passe à travers. C'était ça, la clé, c'était d'utiliser des photons focalisés émises par cette source. Alors, pourquoi l'infrarouge? Les rayons X, c'est une structure. Nous voulions voir deux choses. Nous voulions voir l'état moléculaire de l'hydrogène. Et l'infrarouge est vraiment un révélateur de la molécule et des états de vibration. On parle souvent, on dit que c'est une carte d'identité de chaque élément ou chaque molécule à un spectre infrarouge caractéristique. Dans le cas particulier sur l'hydrogène, il y a un état dans la phase condensée où il y a un vibron qui apparaît, qu'on voit très bien, et dont on suit l'évolution avec la fréquence. Le moindre variation de pression fait changer la force du ressort, en quelque sorte. Et ce ressort fait bouger un petit peu la pression. Donc on suivait parfaitement toute la transition jusqu'à la partie métallique, je vais en venir après. Mais cette transition-là, elle avait un intérêt. C'est que souvent, on s'est demandé s'il y avait une phase unique qui conduisait jusqu'à la métallisation. Pour ça, en suivant la fréquence, et si on avait une évolution régulière, on pouvait dire oui, il n'y a qu'une phase, et non pas une deuxième. S'il y avait une deuxième, on aurait vu soit un saut qu'on n'attendait pas sur la linéarité de la déviation, soit apparition peut-être de nouvelles structures. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, lorsque vous avez une formation métallique, vous avez la formation, alors on l'appelle un gap électronique, je vais essayer de l'expliquer un petit peu. Si vous avez des électrons liés autour de la molécule, c'est comme des enfants qui sont dans une espèce de pièce, qui serait par exemple un ascenseur, qui se tiennent par une courte, qui jouent, qui se tiennent la main. Et puis, on monte et au-dessus, il y a une terrasse. Et sur la terrasse, tous ces enfants, ils peuvent courir. Donc, si on arrive à pousser l'ascenseur, si on arrive à la remonter, l'étape, le saut qu'il y a pour ces enfants qui tiennent la corde jusqu'à être libérés et se retrouver dans la cour de l'école à courir, il diminue. Donc, ça cette variation, cette formation de cette échelle, de cette marche, se situe dans l'infrarouge. Et à un moment donné, lorsque on atteint cet état-là, il n'y a plus du tout d'infrarouge qui passe. Donc on avait une fenêtre qui se fermait et on voyait l'évolution. C'est-à-dire que plus on met de pression, plus le gap se resserre. Exactement. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça ne bouge plus du tout. Et donc vous aviez la confirmation de l'état métallique. C'est l'équivalent de fermer votre rideau et de baisser la lumière. Et la lumière de plus en plus diminue jusqu'à une extinction totale de la lumière dans votre pièce qui passe à travers le rideau. Alors... On va continuer un peu à parler, hein, puisque on l'a dit pour le moment, c'est en fait un jalon que vous venez de poser, qu'il y a évidemment des travaux qui vont suivre, qu'il y a encore la question de la métastabilité, de la supracontactivité qui reste encore à prouver expérimentalement. Ça viendra, mais avant cela, j'aimerais qu'on retrouve bien l'un de vos étudiants, Paul Loubert, Jean-Baptiste Charot, puisque c'est l'heure de la recherche montre en main. Jean-Baptiste Charot, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Vous êtes donc en deuxième année de thèse à l'Université Paris-Saclay, rattaché à la direction des applications militaires avec Paul Loubert. Vous travaillez sur la recherche de superhydrudes par méthode ab initio et machine learning. On vous écoute. Oui, bonjour, je suis ravi de participer à votre émission. Je m'appelle Jean-Baptiste Charot, je travaille avec Paul Loubert à la direction des, et Paul Dumas à la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique. Et je suis en deuxième année de doctorat sur la recherche de superhydrures. Les superhydrures, ce sont des matériaux qui ont été identifiés sous haute pression, qui se constituent d'une grande quantité d'hydrogène mélangé avec un ou plusieurs métaux. Le premier superhydrure à avoir été découvert, c'était au CEA. Il se composait de fer, c'était FeH5. Les superhydrures sont envisagées pour abaisser la pression de synthèse de l'hydrogène métallique, afin d'aller vers des applications comme le stockage dense d'hydrogène, mais aussi le transport d'énergie via des propriétés de supraconductivité. La part essentielle de mon travail consiste à développer des outils de conception et de prédiction des superhydrures sur ordinateur. Je développe des algorithmes qui sont capables de donner la description des matériaux jusqu'à l'échelle atomique. Je mets ces algorithmes en production sur les supercalculateurs du CEA et je fais le lien entre les études numériques et les équipes qui sont en charge de synthétiser les matériaux conçus par la simulation. Comme première étape de mon travail, il s'agissait de développer des outils pour étudier des superhydrures binaires, qui sont des superhydrures constituées d'un métal mélangé avec de l'hydrogène. Nous avons terminé récemment une étude sur des superhydrures de manganèse. Le manganèse qui est en fait un élément chimique ayant des propriétés proches de celles du fer. Nos algorithmes ont été capables d'identifier un superhydrure avec une très forte concentration en hydrogène, qui aurait donc 7 atomes d'hydrogène pour un atome de manganèse. Il pourrait donc être probablement envisagé pour stabiliser de l'hydrogène métallique à une pression 10 fois plus faible que si l'hydrogène est seul. C'est un très bon début, mais il va falloir aller plus loin dans la diminution des pressions de synthèse. Probablement, ça va passer en complexifiant les alliages, en combinant différents métaux en des proportions à bien choisir. Il y a une infinité de candidats et c'est inenvisageable de tous les tester par des moyens expérimentaux sans être guidé par la simulation numérique. Il se trouve que les algorithmes que nous avons développés pour étudier les superhydrures binaires demandent un coût de calcul très élevé. Il nous a fallu plusieurs dizaines de millions d'heures de calcul pour prédire des composés binaires. Si on se met à employer les mêmes méthodes pour des composés plus complexes, il nous faudrait probablement plusieurs dizaines de milliards. C'est une ressource de calcul qui n'est pas disponible avec les technologies actuelles de supercalculateurs. Et ce, malgré le fait qu'au CEA, nous ayons parmi les puissances de calcul les plus importantes au monde. Le deuxième aspect de mon travail consiste donc à faire monter en puissance ces algorithmes de prédiction de matériaux en utilisant de l'intelligence artificielle, que j'appellerai par la suite apprentissage automatique. La cause principale expliquant le coût de calcul très élevé des algorithmes de prédiction de superhydrures, c'est que nous utilisons de la simulation quantique pour positionner les atomes les uns par rapport aux autres. Ces simulations sont très précises, par contre, c'est à un coût de calcul très élevé. L'idée est donc de remplacer, dans certains cas, ces simulations coûteuses par des méthodes classiques au sens de la physique du terme, qui seraient effectuées à l'aide d'approches de type apprentissage automatique. Pour cela, nous développons des modèles statistiques qui s'entraînent sur des bases de calculs, où l'on a fait donc des calculs quantiques de référence. Ces modèles statistiques sont ensuite couplés à la simulation quantique pour assembler les atomes, et ce de façon beaucoup plus rapide que les approches employées précédemment. Nous n'avons pas encore identifié le super-hydrure miracle, mais il est évident que ce sera grâce à la montée en puissance de ces algorithmes qui vont combiner de la simulation quantique et de l'intelligence artificielle, mais aussi avec l'augmentation de la puissance de calcul des supercalculateurs, que nous serons capables de développer des super-hydrures à fort potentiel pour le secteur de l'énergie. Merci beaucoup pour cette brillante présentation, Jean-Baptiste Charot, sous l'œil attentif et bienveillant de vos Merci. Professeurs. Peut-être un mot, alors il nous reste très peu de temps, et vous savez, ce vilain tic que nous avons, nous journalistes, à vouloir toujours parler des applications, mais parlons peut-être un mot justement des super-hydrures, parce que Jean-Baptiste en a parlé de manière très très claire, et on comprend bien, c'est peut-être le premier pas, Paul Loubert, vers des des applications de la supraconductivité, des applications énergétiques, du stockage. D'accord, donc je vous ai parlé, j'ai mentionné le nom de d'Ashcroft qui était en 68, avait le premier prédit la supraconductivité de l'hydrogène. Et Ashcroft, vieillissant, il était un peu désespéré qu'on n'ait pas toujours obtenu l'hydrogène métallique il y a une dizaine d'années. Et il s'est couplé avec un chimiste très célèbre qui a eu le prix Nobel en 82, je crois, Roald Hoffmann, tout jeune. Et à eux deux, ils avaient à peu près entre 65 et 66 ans. Et ils sont mis à calculer les propriétés de systèmes très riches en hydrogène. Et ils ont montré qu'il y avait une nouvelle chimie d'hydrogène sous pression avec les métaux qui formait ces superhydrures, c'était des systèmes qui pouvaient être vus comme un alliage entre l'hydrogène métallique et un métal, en fait, en gros, c'est ça. Et le gros avantage de ces superhydrures, c'est que aussi ils avaient des propriétés un peu analogues à l'hydrogène, dont une supraconductivité à température ambiante. Il y a 10 ans, c'était des prédictions théoriques. Et il fallait montrer qu'ils existaient. Les premiers hydrures ont été synthétisés il y a 3 ans, les FeH5 et d'autres sont venus ensuite. Une équipe allemande a montré que un premier superhydrure était aussi un supraconducteur à 200 K. Et l'année dernière, 200 Kelvin. L'année dernière, deux équipes, une américaine et une allemande, ont synthétisé un superhydrure qui est l'antane avec 10 atomes d'hydrogène. Et ce superhydrure est supraconducteur, donc à 1,6 million d'atmosphères, mais à 260 K. C'est un record de supraconductivité. 260 K, c'est des températures pratiquement à l'ambiance. C'est moins 20 degrés. Donc là, on sait que voilà, les superhydrures existent et sont supraconducteurs. Un tout dernier mot, mais vraiment une seconde, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, Paul Dumas. Il y a à nouveau... vous allez reprocéder à de nouvelles expériences, là, au printemps. On est toujours vous dans une phase... Vous montez en pression. Toujours plus loin. Je pense que, en tant que chercheur, de façon générale, on n'a qu'une marche et on veut aller à un but beaucoup plus haut. Donc effectivement, le but, c'est d'aller jusqu'à la partie atomique et de montrer la supraconductivité. Alors, on a aussi, encore une fois, l'infrarouge va nous permettre, encore une fois, d'essayer d'atteindre ces deux aspects-là, état métallique et supraconductivité. Vous pensez bien qu'on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Paul Dumas, merci Paul Loubert, merci Jean-Baptiste Charot d'être venu nous parler de vos travaux. On est ravis vraiment d'avoir pu avoir cette conversation avec vous. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Alexandra Delbonne, Émilie Guette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Ève Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Demain, l'œil dans la lunette, la tête dans les étoiles, nous aurons la chance de nous entretenir avec celle qui vient de prendre la tête de l'Observatoire de Paris. C'est pour la première fois de l'histoire d'établissement, une femme, elle s'appelle Fabienne Calodini. Elle sera notre invitée demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.